France Inter, franceinter.com. Est-ce le pays le plus dangereux du monde, comme certains l'ont écrit ? En tout cas, il est vrai que la Somalie concentre aujourd'hui un grand nombre de situations et de faits dramatiques. Non seulement ce pays sans État vit une guerre civile pratiquement ininterrompue depuis 1991, mais il s'enfonce dans la misère et le chaos qui poussent sur les chemins toujours plus de déplacés. 1 million déjà. On n'y compte pas non plus les prises d'otages d'étrangers. Et enfin, personne ne peut plus ignorer que c'est aussi des côtes somaliennes que partent en mer ces redoutables pirates afin d'arraisonner les bâtiments qui osent toujours s'aventurer dans la mer Rouge. Cette route maritime indispensable au commerce international. Enfin, et ce n'est pas la moindre des difficultés que connaît le pays, l'ombre de Ben Laden et d'Al-Qaïda plane sur la Somalie. Et certains experts occidentaux n'hésitent pas à proclamer qu'on se trouve devant un nouvel Afghanistan, c'est-à-dire une zone noire où le terrorisme se développerait en toute quiétude avant de déferler plus tard sur tous les pays qui se refusent à l'islamisme. Fantasme, propagande, il y a certainement de cela, mais il y a sans doute aussi une part de vérité. Autant de points que M. X se propose d'analyser. La Somalie, c'est actuellement le cauchemar des grandes puissances. Oui, c'est d'abord un cauchemar pour ses pauvres habitants. Hein. Bien entendu, et la population, hélas. Parce qu'elle a tout connu depuis 18 ans, les famines, les tueries, les exodes. Si je parlais de cauchemar, c'est parce que je pensais à la piraterie qui sévit en mer Rouge, mais aussi aux menaces terroristes. Si on en croit quelques spécialistes, la Somalie serait passée sous la coupe d'Al-Qaïda. Ouais, ce qui pour vous... Je le sens bien, c'est un peu exagéré. Incontestablement. Ouais. Il ne s'agit pas de nier qu'il existe des individus ou des groupes qui entretiennent des liens avec la nébuleuse de Ben Laden et qui profitent de la confusion pour prospérer dans le pays. Mais il faut raison garder Et l'histoire récente nous a appris qu'il faut se défier de ces accusations portées à tort et à travers. Des accusations qui peuvent servir de prétexte à une intervention militaire. Comme en Irak, oui. Et d'ailleurs, je peux vous dire qu'après les attentats du 11 septembre, les Américains ont failli débarquer en Somalie. Oui, mais ils ont choisi l'Afghanistan. Puis l'Irak. Ouais. Il faut dire qu'ils gardaient un très mauvais souvenir de leur mésaventure du début des années 90. C'est la chute du Faucon Noir. Hein. Après l'opération Restore Hope, oui, le massacre d'une vingtaine de GIs, dans des conditions particulièrement horribles qui ont choqué les citoyens états-uniens. Par conséquent, l'hypothèse d'un retour en Somalie, il les faisait hésiter. Oui, parce qu'ils ne voulaient pas subir une nouvelle humiliation. Bon, c'est certain, mais si vous voulez, on reviendra sur ce point précis un peu plus tard. En attendant, même si autrefois nous avons parlé ensemble de la Somalie, quelques notions essentielles sur ce pays de la Corne d'Afrique. Et d'abord, une particularité rare sur ce continent, l'unité ethnique. Et c'est-à-dire qu'en Somalie, ne vivent que des gens de l'ethnie somalie. C'est exact. Ouais, c'est ça. Mais comme les frontières issues de la colonisation sont loin d'être parfaites et se jouent des réalités, eh bien on trouve des Somalis dans les pays voisins, à Djibouti bien sûr, mais aussi en Éthiopie et au Kenya. Et ça c'est une source de troubles. Forcément, parce que tous ces gens aspirent à retrouver leurs frères dont ils sont artificiellement séparés. Autre particularité qui découle de la première, les Somalis parlent la même langue et pratiquent la même religion. L'islam, oui. Mais cette homogénéité si singulière en Afrique, où les États sont généralement morcelés en quantité d'ethnies et où coexistent plusieurs langues, c'est donc une chance. Eh bien non, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Car on trouve en Somalie d'autres facteurs de division. Ici, je veux parler des clans. Des clans qui regroupent eux-mêmes des sous-clans et à l'intérieur de ces sous-clans, ce qu'on appelle des lignages. Oui, des lignées, quoi. Oui, ouais. Pour simplifier, je vous dirais qu'avant d'être un citoyen de Somalie, on a le sentiment d'appartenance à un clan. Et ça prévaut sur tout le reste, de degré en degré jusqu'en bas de l'échelle. Le bas de l'échelle étant le lignage, c'est la ça. Famille, ouais, la famille, au sens large, oui. Mais ces fidélités successives et hiérarchisées n'empêchent pas les Somaliens de se retrouver unis dès qu'un danger étranger menace. Et on l'a vu récemment lorsque l'Éthiopie s'est mêlée des affaires somaliennes et est intervenue militairement. Presque aussitôt, les ennemis d'hier ont fait cause commune. Ouais, contre l'envahisseur. Bien sûr. Ouais. Autre constat important. Avant l'indépendance, il n'a jamais existé d'État somalien. Le grand et désertique territoire des Somalis connaissait donc une juxtaposition ou une cohabitation des principaux clans qui sont au nombre de 5. Un auteur très au fait de l'histoire de cette région a ainsi pu parler de démocratie pastorale. Parce que les Somalis sont d'abord des nomades. Et à part les habitants des villes, ils le sont restés. Ce nomadisme clanique excluait donc la formation d'un État. Et ces clans et ces sous-clans se battaient entre eux. Très souvent, oui. Ouais. Pour une histoire de vol de bétail ou encore d'appropriation frauduleuse d'un point d'eau. Mais ça n'allait jamais très loin, car la tradition avait aussi prévu des réunions de réconciliation présidées par les anciens. Alors, on se disputait, on palabrait longtemps, et parfois même, on disait des poèmes. Et c'était fini. Et jusqu'au prochain conflit. En effet. Ajoutez à cela une conception de la vengeance très proche de la vendetta des Corses ou des Albanais. Et vous avez une société très batailleuse. Mais au moins, jusqu'au XXe siècle, ça n'allait pas très loin. Avec l'apparition des armes modernes et des pick-up sur lesquels on monte une mitrailleuse... Les technicals, comme on dit. Oui, ou les Mad Max. Eh bien, ça a tout changé. Et on a vu naître de véritables milices hyper-armées dirigées par de redoutables seigneurs de la guerre. Et le sang coule beaucoup plus qu'avant. Naturellement. Car le principe des assemblées de réconciliation s'est aussi perdu au fil du temps et du passage à l'âge moderne. Cependant, après l'indépendance, il y a quand même eu un État somalien. En 1960... Les deux puissances coloniales, la Grande-Bretagne au nord et l'Italie au sud, s'effacent. Et le pays est unifié dans ses frontières actuelles. Mais sans les populations somalies de Djibouti, territoire contrôlé par la France jusqu'en 1977, ou encore celle d'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est l'Ogaden. Oui, et cette région sera l'objet de perpétuelles revendications de la part des autorités de Mogadiscio, rêvant de constituer une grande Somalie. Ça, on en reparlera. Attendez, une parenthèse quand même. J'imagine qu'à cause de sa situation géographique, au débouché de la mer Rouge... Le pays a fait l'objet de nombreuses convoitises. Naturellement, et depuis très longtemps. La Somalie, je vous le rappelle, c'est le légendaire pays de Punt, comme l'appelaient les Égyptiens de l'époque pharaonique. Et il existe d'ailleurs une région de la Somalie aujourd'hui qui s'appelle le Puntland. Oui, un territoire qui a fait sécession et vit donc de façon autonome. Et j'ajoute que c'est le Puntland qui accueille les fameuses bandes de pirates somaliens. Un sujet sur lequel je reviendrai car on a véhiculé pas mal d'idées fausses sur ces pirates en tout cas. Pour les anciens Égyptiens, le pays de Punt, c'est la côte des aromates où l'on récoltait la cardamone et l'encens. Mais longtemps après, c'est avec le percement du canal de Suez que la région a pris toute son importance. Ouais, c'est pourquoi les grandes puissances de l'époque ont voulu s'y établir. C'est certain. À partir de la Corne de l'Afrique, on peut en effet contrôler le trafic maritime vers l'Asie et le Golfe arabique. Et d'ailleurs, les deux super grands du XXe siècle vont s'y livrer un curieux chassé-croisé en Somalie. Enfin, revenons à l'histoire politique de la Somalie. Lorsque le pays accède à l'indépendance en 1960, il jouit d'atouts très sérieux, en dehors même de son unité ethnique et de l'existence, malgré tout, d'un authentique sentiment national. De quoi voulez-vous parler ? Pas d'atouts économiques, en tout cas, car les ressources naturelles, ils sont rares. Hein. Et puis, le pays, sauf au sud, et surtout désertique. Et puis l'eau y est rare, oui. Ouais. Mais à l'heure de l'indépendance, il existe quand même quelques élites formées par le colonisateur. La Somalie dispose par exemple d'un certain nombre de médecins. Et les premiers dirigeants somaliens ont l'intelligence de doter le pays d'une constitution démocratique. La presse y sera longtemps libre. Non, ça, c'est en effet exceptionnel en Afrique. Hein, oui, ouais. Je ne fais pas dire. Et les premières années après l'indépendance se passent plutôt bien, même si à plusieurs reprises, le gouvernement somalien cède à la tentation irrédentiste. En Ouganen. Et au Kenya. Ouais. Mais déjà, les premiers signes inquiétants apparaissent. L'État est trop faible et les clans trop puissants. En réalité, le péché est originel. C'est-à-dire la conception d'un État moderne à l'image de nos démocraties occidentales est complètement étrangère aux Somalis, qui sont restés nomades dans leur cœur et leur tête. Et l'erreur se perpétue aujourd'hui quand les bons esprits qui se penchent sur l'affaire somalienne proposent, pour mettre fin au chaos actuel, de reconstruire un État fort et centralisé. Ce sont, si je puis dire, des idées d'importation. Ça ne marchera jamais en Somalie. Alors pourquoi il faudrait inventer autre chose ? C'est ce que je crois. Enfin, je ne suis pas politologue. Alors, poursuivons. Au sein de cette nation éclatée, comme l'a écrit un bon connaisseur de la question, la division commence à se faire jour. Mais pour être tout à fait exhaustif, il faut ajouter un autre facteur de délitement. C'est la corruption grandissante des dirigeants. Oh, ça, c'est pas propre à la Somalie. C'est juste, mais comme dans d'autres pays du continent. Et je pense en particulier à ceux de la France-Afrique. Cette corruption est aussi le fait de l'ancien colonisateur, l'Italie, en l'occurrence. Expliquez. Rome continue à s'intéresser à son ancienne colonie et ne ménage pas ses aides financières. Mais une partie de cet argent revient in fine dans les caisses des partis politiques italiens au pouvoir. Vous comprenez ? Oui, malheureusement, oui. Et dans cette affaire des subventions détournées au profit de l'ancienne métropole, je suis sûr que la mafia n'a pas été absente. Quoi qu'il en soit, ce qui devait arriver arrive. En 1969, un général, Siad Barre, s'empare du pouvoir. C'en est fini de la démocratie et de la liberté de la presse. Mais la population accueille plutôt favorablement ce putsch, car le nouveau pouvoir est résolu à en finir avec la corruption. Ouais. Tiendra parole ? Au début, en tout cas. Mais dans cette nation éclatée, il est difficile de lutter efficacement contre les trafics en tout genre. Siad Barre, comme la plupart des militaires qui s'emparent du pouvoir, s'occupe en priorité de renforcer l'armée. Ah oui, ça c'est toujours la même chose. Ouais. Et idéologiquement, où se situe-t-il là ? À gauche. Ce qui en soi est assez étonnant, car cet officier est aussi un grand admirateur de Mussolini. Ah oui, l'Italie toujours. Hein. En effet, ce zélateur du fascisme entend expérimenter dans son pays ce qu'il appelle le socialisme scientifique. C'est-à-dire le marxisme. Oui, et presque naturellement, le dirigeant somalien fait appel à l'URSS. Rendez-vous avec X. Nous allons le voir avec la suite du récit de M. X. Le général Barre restera au pouvoir jusqu'en 1991. Dans un article du Monde de novembre 1993, l'un des meilleurs spécialistes de la Corne de l'Afrique, Gérard Prunier, procède à l'analyse suivante. Composée à 70% de nomades, étroitement structurée par les appartenances lignagères et de surcroît le point fondamental, totalement désarticulée par une monstrueuse perversion de ses mécanismes de fonctionnement traditionnels aux mains du général Siad Barré, la société somalienne était atteinte d'un cancer éthique et social. Depuis 1977 et jusqu'à sa chute en 1991, le dictateur n'avait cessé de jouer sur deux tableaux, présentant alternativement son régime comme l'incarnation d'un ordre transclanique moderne et en même temps continuant à maquignonner des arrangements claniques officieux, à jouer sur les solidarités lignagères et à pervertir les mécanismes de régulation de la société traditionnelle. Et d'après ce même chercheur, Prunier, au cœur de la question somalienne, il y a la question de l'unité nationale. Ce mythe dévastateur se fondait sur une constatation simple. Les Somalis, non seulement en Somalie, mais même en Éthiopie, au Kenya ou à Djibouti, ne forment qu'un seul et même peuple, partageant la même langue, la même religion et la même culture. Cette réalité avait abouti dans les années 60 et 70 à un irrédentisme agressif, cherchant à réunir tous les Somalis au sein d'un même État. Or, la structure même de l'État somali se délitait au fur et à mesure que la revendication irrédentiste se développait. Fuyant dans l'imaginaire, les Somalis réclamaient avec d'autant plus de virulence d'être réunis avec leurs frères vivant hors de leurs frontières qu'ils s'entendaient de plus en plus mal à l'intérieur de celles-ci. Siad Barré, m'avez-vous dit, se tourne d'abord vers l'URSS. Alors, que cherche-t-il à quoi ? Moderniser son armée ? En particulier, oui. L'aide soviétique est massive et l'armée somalienne devient rapidement l'une des plus redoutables de la région. Ah oui. Et en contrepartie, qu'offre l'est Somalie à l'URSS hein ? Une base aéronavale, à Berbera exactement. C'est-à-dire juste en face d'Aden et pas très loin de Djibouti. Donc un endroit stratégique puisque cette base se trouve à l'entrée du détroit de Bab el-Mandeb. Mmh. Et commande donc d'une certaine façon l'accès à la mer Rouge. C'est cela, oui. Mmh. Alors, grâce aux Soviétiques, Siad Barré possède donc une puissante armée. Est-ce qu'il va être tenté de s'en servir ? Forcément. Mmh. Quand Siad Barré va-t-il l'utiliser alors ? En 1977, il lance ses troupes à l'assaut de l'Ogaden. Donc contre l'Éthiopie. Oui, hein, c'est une erreur considérable. On peut d'ailleurs y voir la source d'une partie des désordres qui vont ensanglanter la Somalie jusqu'à nos jours. Racontez. En Éthiopie, en 1974, une révolution a porté au pouvoir des militaires marxistes commandés par le colonel Mengistu. Alors, marxiste, comme Siad Barré, donc. Oui, mais l'idéologie n'a rien à voir à l'affaire. Ah bon. C'est le sentiment nationaliste qui guide le général somalien. Ouais. Et à Moscou, on doit être embarrassé par cette lutte fratricide entre deux de ses alliés africains. Ah, tout à fait, et Moscou doit choisir son camp. Et après avoir longuement hésité, le Kremlin choisit de soutenir Mengistu. Contre Barré, donc. C'est ça. Ouais. Mais pourquoi ? Mengistu doit paraître plus fiable. Et l'Éthiopie est un pays plus grand et beaucoup plus peuplé. Le résultat, en tout cas, c'est que les Éthiopiens, armés par les Soviétiques et aidés par des bataillons cubains, vont infliger une défaite cuisante aux troupes somaliennes. Mmh. Alors, réaction des dirigeants somaliens hein. Barré est furieux, humilié. Et il décide aussitôt de chasser les Soviétiques de leur base aéronavale de Berbera. Mais ça signifie aussi qu'il renonce à l'aide de Moscou. Ah oui, et au socialisme scientifique, je pense. Naturellement. Ah, ouais. C'est pour ça que je vous ai dit que l'idéologie avait peu d'importance en l'occurrence. Siad Barré tourne donc brutalement kazakh. Et il se tourne vers les Américains ? Évidemment. Ouais. Mais à Washington, on est très prudent. Mais pourquoi alors ? À la suite de l'échec de la guerre de Gaden. L'image personnelle du dictateur Siad Barré est très démonétisée, si j'ose dire. Et puis, nul n'ignore que la Somalie est un pays qui est un gouffre à subventions. Donc un pays qui coûte très cher dès lors qu'on envisage de le soutenir. En outre, dès la défaite, les signes de division se multiplient. Et il ne fait nul doute que le voisin éthiopien qui cherche à se venger alimente ces ferments de division. Oui, mais d'un autre côté, pour les États-Unis, la perspective de remplacer les Soviétiques dans cette base de Berbera. C'est exactement. Ça, c'est pourquoi finalement Washington décide d'accorder son soutien aux Somaliens. Un soutien timide, mais réel. Mais ce faisant, les Américains vont se trouver entraînés malgré eux dans le chaos somalien. Car dans les années 80, les choses vont aller de mal en pis. Toujours le morcellement clanique. Oui, chaque clan se structure autour d'un parti politique. En outre, on va voir prospérer l'islamisme. C'est un autre clan, ça? Des clans, plutôt, car plusieurs mouvements vont apparaître, le plus important étant El-Ittihad, une organisation plutôt radicale qui sera plus tard placée par les États-Unis sur la liste des mouvements terroristes. Il me faut ajouter que, déjà, à la fin du XIXe siècle, un certain Mohamed Abdullah, qu'on appelait le Mollah fou, avait soulevé les Somalis contre les Britanniques au nom de l'islam. Il y a donc une tradition islamiste. Oui, et comme dans d'autres pays, ce sentiment a été encouragé et financé par l'Arabie Saoudite. Et pourtant, cela va à l'encontre de la tradition somalie. Mais pourquoi ? En Somalie, on pratique un islam soufi, c'est-à-dire très différent du rigorisme des wahhabites qu'on trouve par exemple en Arabie Saoudite. Oui, sans doute. Ouais. Mais quelle est la réelle importance de l'islamisme en Somalie ? Dans un pays aussi désorganisé, il est difficile de donner des informations précises. Mais il semble bien qu'au fil des années 90, le courant islamiste a pris de plus en plus d'importance. Il y a même des quartiers de Mogadiscio où la charia a été imposée. Et c'est toute l'histoire des tribunaux islamistes qui prendront tellement d'importance un peu plus tard. Mais un petit peu de patience. Ouais, ouais. Parce que là encore, à propos de ces tribunaux, on a raconté pas mal de sottises. Ouais, mais je suis sûr que vous aurez à cœur de rétablir la vérité. Enfin, comme d'habitude, quoi. Je vous en prie. En Somalie, comme ailleurs, les islamistes ont essaimé grâce à de multiples organisations caritatives. À l'instar de ce qui s'est passé en Afghanistan ou au Pakistan. Hein. Oui, en outre, ce sont les islamistes qui ont pris en main les douanes ou le trafic portuaire encore existant. Des sources de revenus, ça, hein. Évidemment. Dans cet état en lambeaux, on se taille les fiefs que l'on peut et on rapine tout ce qu'on trouve. Ouais. Mais revenons quand même aux sources de cette désagrégation somalienne. Je vous ai dit que chaque clan a son parti politique. Ça ne suffit pas pour exister, pour affronter le voisin, pour lui faire peur. Il faut aussi disposer d'une milice armée. Et c'est ainsi que dans les années 80, on voit se créer nombre de petites armées. Des armées privées, en quelque sorte. Oui, oui, je suis sûr que vous avez gardé en mémoire l'image de ces jeunes types dépenaillés, armés jusqu'aux dents et montés sur leur Mad Max. Oui, leur pick-up. Là. Ces voyous vont terroriser la population somalienne pendant des années. Oui, parce qu'il n'y avait plus d'État. L'effondrement a été progressif et s'est accéléré à partir de 1988, quant à l'extrême nord-ouest, l'ancien Somaliland des Britanniques a revendiqué son indépendance et décidé de faire sécession. Siad Barre, qui sent le pouvoir lui échapper, réagit avec une extrême violence. La principale ville du Somaliland, Hargeisa, est bombardée. On comptera plus de 50 000 morts et des centaines de milliers d'habitants doivent fuir. C'est un véritable massacre. Hein. Ah oui, et un massacre parfaitement inutile, puisqu'aujourd'hui encore, le Somaliland est pratiquement indépendant, même si cette indépendance n'est pas reconnue par l'ONU. Naturellement, cette affaire exacerbe encore un peu plus les rivalités entre les différents clans dans tout le pays. Il faut bien sûr tenir aussi compte des interventions étrangères, l'Arabie Saoudite qui subventionne les islamistes, la Libye et le Soudan qui mettent leur grain de sel dans cette affaire, et bien sûr l'Éthiopie qui ne reste pas inerte. Oui, à cause de l'Ogaden. Bien entendu. Ouais. Les Éthiopiens n'ont pas oublié l'agression somalienne contre leur province. Ils ne sont pas fâchés de voir leurs voisins se déchirer. Mmh. Et attendez, les Américains là, qui se sont installés dans cette base aéronavale autrefois occupée par les Soviétiques. Ils sont très circonspects et ils laissent faire. Mais pourrait-il en être autrement ? Il ne faut pas oublier non plus qu'à la même époque, les États-Unis sont engagés dans la guerre du Golfe. Mmh. Bref, ils n'ont pas très envie de s'enliser dans le bourbier somalien. La situation semble donc sans issue. Et ça va encore s'aggraver au début de l'année 91. Que se passe-t-il alors ? La guerre civile semble alors généralisée. Et en janvier 1991, Siad Barre est chassé du pouvoir. Enough hatred around the city. Enough violence in them cities. Enough fire in them towns. Them no got no love. So, now let them spoil the joy. No way! France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X.

quelle est exactement la mission confiée aux États-Unis ? Pour Washington, il s'agit avant tout d'une opération humanitaire. George Bush Senior dira même qu'il faut effectuer là-bas le travail de Dieu. Ah oui, pas moins. Et plus sérieusement, les Américains sont en Somalie pour donner à manger aux affamés. Et maintenir la paix quand même. C'est-à-dire empêcher les combats entre factions rivales, mais pas plus. Et en évitant surtout de prendre des risques. Or, pour le secrétaire général de l'ONU, Boutros Ghali, ça n'est pas suffisant. Et que veut-il dire? Il souhaiterait que les Américains désarment les milices. Le seul moyen pour lui d'éviter que la guerre civile ne se poursuive tôt ou tard. C'est pas sot, hein. Mais en tout cas, il y a des accords. Exactement. Et ça pèsera lourd dans la suite des événements. Il y a donc toute une série de discussions entre les factions. Sous l'égide de l'ONU. Oui, mais pour de multiples raisons, ce sont encore des chiffons de papier que l'on signe. De son côté, le général Heidi entreprend, lui, de négocier à la Somalienne. Ah oui, selon la tradition. Hein. Et ça commence à donner des résultats. Mais l'ONU, qui l'avait d'abord soutenu, change de cap. Pour son représentant en Somalie, ces discussions initiées par Heidi sont non autorisées. En fait, les Nations Unies désirent, sans le dire, imposer une véritable tutelle en Somalie. Heidi, bien sûr, réagit mal. Que l'ONU s'occupe de l'aide humanitaire, mais la paix, c'est l'affaire des Somaliens, et d'eux seuls. Les Américains ? Ils sont déjà repartis. Pas tous, mais beaucoup. Il restera à peu près 4000 Marines en Somalie. Le président Clinton, qui vient de s'installer à la Maison-Blanche, estime en effet que l'opération Restore Hope est un succès et que la présence massive des forces américaines n'est plus nécessaire. Car en plus, des casques bleus sont arrivés. Cependant, le désengagement américain va être de courte durée. En effet, le conflit entre l'ONU et le général Heidi s'envenime. Et bientôt, pour le contingent international, Heidi devient l'ennemi, l'empêcheur de faire la paix, l'homme qu'il faut désarmer et abattre à tout prix. Ça veut dire, en tout cas, que l'ONU a en quelque sorte choisi son adversaire. Ce dernier répond à sa façon brutale. Au début du mois de juin, les membres de sa milice tendent une embuscade à un détachement de casques bleus. 24 d'entre eux, des Pakistanais, sont tués. L'ONU réagit en ordonnant la poursuite et l'arrestation du général Heidi. Sa tête sera même mise à prix. C'est une véritable guerre qui s'engage entre les forces de l'ONU et les partisans du général. Et les Américains, qui reçoivent le renfort de troupes spéciales, vont se trouver en première ligne dans ce combat et multiplient les opérations offensives. Et il y aura pas mal de bavures. Attendez, jamais encore des casques bleus n'étaient intervenus par la force dans les affaires intérieures d'un pays. C'est juste. Jusque-là, ils s'étaient contentés de s'interposer. L'aboutissement, ce sera le fiasco d'octobre 1993. Au cours d'un violent affrontement avec les forces du général Heidi, 18 soldats américains de la force Delta sont abattus. Et on verra ce cadavre d'un GI traîné dans les rues de Mogadiscio derrière un pick-up. Une image choc. Et qui soulève une grande émotion aux États-Unis. L'émotion et aussi l'humiliation. Après ce tragique événement, Washington décidera d'abandonner la Somalie et en mai 1994, le dernier soldat américain aura quitté le pays. Et si je me souviens bien, les casques bleus finiront par faire de même. En 1995, oui. Et sans avoir rien réglé, puisque tout de suite après leur départ, les luttes entre les factions vont reprendre. Elles n'ont d'ailleurs jamais vraiment cessé. Le bilan est donc catastrophique. Et la Somalie est aujourd'hui toujours plongée dans la plus grande anarchie. Quant au pays, il est totalement exsangue. Alors, voyons, pour terminer provisoirement aujourd'hui, pourquoi les États-Unis se sont engagés si résolument dans cette affaire avant d'abandonner tout aussi vite ? Il y avait d'abord des raisons de politique intérieure. En 1992, aux États-Unis, la campagne présidentielle battait son plein. Et en venant au secours de tous ces affamés, George Bush, père, se donnait incontestablement le beau rôle. C'est le travail de Dieu. Ça plaisait à l'opinion américaine. Et Clinton, qui lui a succédé, n'a fait que suivre. Ouais. Électeur allemand, ça n'a quand même pas servi suffisamment à Bush. C'est juste. Mais comment expliquer que Clinton ait renvoyé des renforts en Somalie après s'être d'abord désengagé Pour les mêmes raisons qui avaient poussé Bush. Au bout de quelques mois de pouvoir, sa cote de popularité s'effondrait déjà. Alors il a essayé de remonter la pente en envoyant des troupes d'élite en Somalie. Pour y faire la paix, avec le succès qu'on a vu. L'autre raison est plus sérieuse. Au cours de la guerre du Golfe, les Américains venaient de prouver au monde entier qu'ils pouvaient très efficacement mener la politique du bâton. Et ils désiraient aussi faire savoir qu'ils savaient manier la carotte et étaient capables d'intervenir n'importe où sur la planète. Et qu'ils étaient désormais